Je te vois. Pas besoin d'en faire trop. T'es la reine de la jungle. Tu n'as rien à craindre. Tu les as rendus bêtes. Beaucoup d'entre eux tournent autour comme des vautours. Et moi tu ne le sais pas, mais je te protège. Et je te vois, ne t'en fais pas. Je te vois, ne t'en fais pas. Oh, je te vois, ne t'en fais pas. Je te vois, ne t'en fais pas. Tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Où il faut. Où il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as rien à envier à aucune go. Tu n'as rien à voir avec ces bimbos. Tu n'as pas le vécu de ces michetos. Les hommes rêvent de t'avoir en binôme. À huis clos, tout ce qu'il faut. Mago, quand t'es là je ne vois pas les autres. Ah, je t'ai vu direct, je t'ai mis sur le tech. Oui la belle elle m'a rendu trop bête sans blague. Viens on se met tac. Donne-moi ta main, je t'enfile la bag. Trop parler peut tuer, je vais peut-être m'enterrer. Ça sera le kiff. Si l'amour aveugle m'a crevé les yeux, je te suivrai pour le meilleur et le pire. Je te vois, ne t'en fais pas. Je te vois, ne t'en fais pas. Oh, je te vois, ne t'en fais pas. Je te vois, ne t'en fais pas. Tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Où il faut. Où il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Perdre leurs moyens. J'ai vu que tu m'as vu entouré de mes amis. Tu ne m'approches pas, tu veux pas passer pour une michto. Tu sais que mon charisme parle de lui-même. Et non, je peux te faire oublier que t'es belle. Tu me vois devant toi demain sur Snapchat. Tu ne m'oublieras pas, je suis déjà dans une autre go. Une autre go. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Non. Elle a un petit bonjour. Mais ça dérange pas parce que chez Gay n'aime que les gros lolos. Elle est chevrée, oui, elle est nebo. Elle me fait cracher plus vite que le dernier Lambo. Elle s'en fout des 6 gros, remballe ta queue trop. Dans son répertoire, c'est Messi Ronaldo. Donc arrête de chercher son numéro. Elle s'en fout de Saint-Valentin. Tout ce qu'elle veut, c'est des Valentino. Si t'es neuf au monde, le Merco. Bébé, oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je te vois, ne t'en fais pas. Je te vois, ne t'en fais pas. Tu as tout ce qu'il faut. Tu ne le sais pas, mais je te protège.